peu, mais je pense que ça va pas mal être le sujet numéro un pour les prochains mois, là. Ouais. Les manifs, puis d'austérité, puis... As-tu vu Françoise David? As-tu vu tweet hier de... de Québec elle est morte solidaire. De rire, elle est morte de rire de voir ce qui se passe là. Là. C'est le party pour elle. Ben écoute, de un, toute l'attention qu'on donne pour Québec solidaire. Puis là, hier, elle a décidé de faire un tweet. Là. Ben en fait, c'est Québec solidaire qui l'a tweeté. On prend l'image de Françoise David. Et là, elle a les deux bras dans les airs. Et sur sa poitrine, là, parce que on lui a pas mis ça dans la face, là, les écriteaux. Ça dit « Contre le Goliath de l'austérité, ça nous prend une David ». Ben, vois-tu, le jeu de mots est très bon. Ben, effectivement, Françoise... Le problème, Françoise c'est que David était seul. David était seul contre Goliath, c'est alors ça. Que Françoise David, elle a une armée de gauche, allée jusqu'aux médias, jusqu'au gouvernement, qui sont derrière eux. Écoute, qui finance ces organismes de gauche-là? On le sait très bien, toi et moi, que ce sont les gouvernements péquistes et libéraux à tour de rôle, oui. Depuis des années. Tu sais, depuis une quinzaine d'années, là, des 1,3 million donnés aux FRAPRU, 1 million donnés au Front commun des assistés sociaux, parce qu'il faut les aider, il faut les financer pour les aider, justement, à faire un lobby contre le gouvernement. C'est pathétique. Mais c'est ce qui se passe présentement, c'est qu'on subventionne, le gouvernement subventionne, puis d'ailleurs, au sujet de la loi 10, Québec solidaire a fait passer là 4 amendements, si je me trompe pas, et entre autres, on continue quand même de financer des organismes communautaires. Moi, j'ai absolument rien contre le financement des organismes communautaires. C'est que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'avec cet argent-là, les gens prennent plus d'argent pour aller manifester, puis se faire des pancartes, puis s'organiser des réunions, puis s'acheter des tables quand Philippe Couillard parle au Palais des Congrès, que des aider les gens qui sont réellement dans le besoin. Moi, c'est ça qui me choque. C'est rendu qu'on fait des... C'est pas compliqué. Tu reçois une subvention du gouvernement, puis tu t'en sers pour aller manifester puis dire que le gouvernement, c'est des taouins. Tout à fait. Et il faut comprendre que cet argent-là, c'est comme si tu finançais indirectement Québec solidaire ou le NPD au fédéral. Ben oui. Parce qu'eux autres, c'est leur même monde qui reçoivent des subsides. Alors, est-ce que des gens financent la corporation des entreprises? Ils doivent s'organiser entre eux. Alors, si ces gens-là reçoivent des subsides, c'est au nom de « on est trop pauvre pour se battre, pour se défendre, donc on va vous financer ». Fédération des femmes du Québec qui a reçu 1,5 million sur une quinzaine d'années. Ligue des droits et libertés, on sait très bien que c'est un labé de gauche au niveau juridique, près de 3 millions. C'est beaucoup d'argent sur cette période-là parce que ça leur permet de s'organiser. Les syndicats, avec les avantages qu'ils ont au niveau des normes du travail, au sens où tout le monde est obligé de se syndiquer dès qu'ils ont obtenu les 50% de signatures. Et après ça, ça devient un monopole. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben aujourd'hui, ça roule tellement dans l'huile, les conventions collectives et tout ça, ils font juste de l'action, de l'activisme politique de gauche. Tu parlais du FRAPRU, François Saillant. Y a-tu déjà été candidat lui, pour Québec solidaire? Ben oui! Tu prends le Front commun des assistés sociaux, Marie-Ève Duchesne. As-tu déjà été candidate pour Québec solidaire, elle? Ben oui! Tu dis, bon, la Ligue des droits et libertés, Nicole Filion, tu sais, puis Manon Massé qui est là-dedans. Manon Massé, es-tu? Ah ben oui, c'est vrai! Elle est députée de Québec solidaire. Fédération des femmes, c'est qui? C'est Alexa Conradi. Mais c'est l'ancienne présidente de Québec solidaire. C'est tout du Québec solidaire. Puis on leur donne des millions en subventions depuis les 10-15 dernières années. C'est aberrant, là. Tu te souviens que Mme Marois avait fait l'erreur d'aller cogner sur une casserole dans le temps des Carrés Rouges en 2012? Oui. Parce qu'elle a oublié, elle, que son parti, c'était une coalition et qu'il y avait de la gauche et qu'il y avait de la droite et qu'elle s'est faite pas mal prendre dans la trappe. Hein? Mm-hmm. Mais dans le cas de Françoise David contre Goliath, ben s'en va, elle, avec une armée de gens de gauche qui soit sont membres de Québec solidaire ou sont sympathisants. Et ça fait en sorte que ça a tout un impact. Là, imagine comment ils vont arriver solides avec un parti politique qui est dans les marches qu'on va voir, les syndicats qui sont omniprésents en termes d'organisation et de logistique pour les manifestations. Ce qui leur manque, c'est la légitimité que les étudiants avaient apportée en 2012. Et ça, ils travaillent fort actuellement avec la classe C, on en a parlé la semaine passée. Mm-hmm. Ils veulent vraiment avoir 50, 70, 100 000 étudiants dans les rues. C'est ça qu'ils cherchent à faire, parce qu'ils savent très bien, un peu comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, s'ils sont une quinzaine, ça fera pas grand bruit au niveau des médias, ils vont faire rire d'eux. Je termine en 30 secondes. J'aimerais ça qu'on puisse ouvrir les livres de la CSN. J'aimerais ça savoir, moi, si... Puis écoute, j'ai un petit doute, là. Puis j'ai aucune preuve, fait que je m'avance comme ça, là. mais je serais pas surpris que les étudiants ou les gens qui manifestent soient payés par la CSN. Ben, on peut pas aller jusque-là, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Parce qu'entre toi et moi, un étudiant, toi, tu te souviens, on peut vivre avec pas grand-chose. Et ce qui manque pour qu'on puisse s'organiser, c'est des autobus, des affiches, tu comprends? Ouais, mais on doit les graisser à quelque part. Les doigts de la bière à la fin indirect. De la soirée, puis les doigts de la bouffe aussi. Tu peux prendre des jeunes puis les brainwasher pour aller manifester, c'est sûr. Mais pour en avoir plus que ça, moi, je serais pas surpris qu'on donne des petits nananes d'un bord puis de l'autre, là. Mais c'est de l'argent indirect, mais ça demeure quand même des budgets qui ne sont pas déclarés, alors que les syndicats bénéficient de lois qui les avantagent. Et le projet de loi fédéral que M. Harper a mis de l'avant par rapport à connaître justement les budgets de ces organismes-là, ben écoute, ça fait pas leur affaire. Hein? Et c'est évident que là, on aurait un meilleur rayon X de la situation. Ils sont forts, les syndicats et la gauche, pour dénoncer le financement des partis politiques, mais leur organisation, eux autres, ils nous cassent les oreilles en disant « c'est privé, vous touchez pas à ça ». On a vu ce que ça a fait avec le fonds de la FTQ Construction, hein, avec la commission Charbonneau. Ben oui. On a vu que s'il y a beaucoup d'argent qui circule, il peut y avoir des dérapages. Effectivement. Richard Descarrés, toujours un plaisir de discuter avec vous, mon cher, et je vous souhaite une bonne semaine.